Question 18. Je peux circuler en feu de position seul. Réponse A. En feu de croisement. Réponse B. En feu avant de brouillard. Réponse C.